Nous sommes en 2095 et la guerre interstellaire vient à peine de se terminer. Les Terriens ont vaincu les peuples de la galaxie d'Estriga, faisant face à une invasion sans précédent. Mais la Terre telle que vous la connaissez n'est plus du tout la même. Les États-Unis ont été rayés de la carte et tout le contingent militaire terrien se retrouve dans le plus grand des pays d'Europe. La fière, la vaillante, l'impétueuse et la magnifique France. Ben oui, comme je vous le disais, la Terre n'est plus du tout la même. Et parmi les rescapés de la guerre, certains noms restent gravés dans les mémoires, comme celui du lieutenant Pimps. Son courage, sa ténacité et son humilité ont permis un tournant décisif à la guerre. Vous allez bientôt arriver au cœur du réacteur, mon lieutenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, une gaufre au sucre. Quoi? Bah ouais, c'est peut-être le dernier jour de ma vie, j'ai bien le droit à une petite gâterie. Mais vous êtes complètement malade. Aïe, putain c'est chaud. Merde, j'appuie sur quoi là? Merci. On m'a toujours dit que j'avais un sacré talent de cuisinier. Mais un autre personnage entra dans l'armée. Sorti de Harvard à 14 ans, l'ingénieur Sango révolutionna la science en créant des portails interstellaires, ce qui permit aux forces terriennes un affrontement direct dans la plus grande surprise de leur ennemi. Alors si j'appuie sur ces symboles dans cet ordre, voyons voir où ça nous mène. Et donc, mes chers démons, nous envahirons Almoria, exterminerons ces soi-disant héros et... Vous êtes qui, vous? Je me nomme Arthur Sango. Je viens de la planète Terre et... Cramez-moi ce truc immonde. Au revoir. Bon, je crois qu'on va coordonner ces coordonnées, hein. Ça nous évitera 2-3 emmerdes supplémentaires. Enfin, un dernier nom fit son apparition dans la liste des rescapés. Celui du soldat Reagan, qui revint sur Terre mystérieusement indemne. Allez, je vais la voir ce drac au feu. Tu m'échapperas pas, espèce de vieux lézard. Encore un livre gamin. Et je te dégomme la gueule. Tu vas crever. Oui. Reagan, t'es là? Putain, t'es encore dans les chiottes. Bah oui, ça se digère pas en 10 secondes 200 litres de vodka. On a gagné, Reagan. Ça y est, c'est fini. Tout est fini. Oui, ça va, je viens d'exploser la ligue. On va pas en faire tout un plein, hein. Mais ce que ces trois personnages hors du commun ignorent totalement, c'est que le destin a décidé de les réunir dans une aventure stupéfiante. Où ça des stupéfiants? Une aventure pleine de bruitages incroyables. Des acteurs talentueux à la voix pitchée. Jamais je ne m'abandonnerai à de telles allégations. L'univers ne gardera pas mon âme emprisonnée. Putain, mais espèce de mixeur de merde! Tu vas te calmer avec ma voix? Et une apogée aux confins de l'espace. Quelqu'un aurait un GPS? Mais comme vous l'aurez deviné, cette extravagante épopée n'est pas faite pour les âmes sensibles. Disons plutôt, pour les cœurs intrépides.